éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une icône de cinéma et de mode, mais qui était, malgré l'image qu'on voulait lui donner, féministe. Je vais vous parler de Marilyn Monroe. Elle est née le 1er juin 1926 à Los Angeles. Son père est absent et sa mère souffre de schizophrénie et est internée à plusieurs reprises. Marilyn grandit donc sans repère stable entre foyer et famille d'accueil. Elle apprend donc assez rapidement à s'adapter, à observer, à se protéger. Mais surtout, elle apprend comment fonctionne le regard des autres. Plus tard, elle devient Marilyn Monroe. Une blonde glamour, souriante, désirable. Hollywood en fait un personnage, la femme belle, naïve, légère. Une image qu'on lui impose et qui lui apporte la célébrité, mais qui ne lui ressemble pas et l'enferme. Car Marilyn Monroe est loin d'être stupide. Elle lit énormément, s'intéresse à la psychologie, à la littérature, au cinéma d'auteur. Elle travaille son jeu, prend des cours, cherche à progresser. Mais plus elle essaye de se détacher de ce rôle simpliste, plus on la critique. Marilyn veut être prise au sérieux, évoluer, jouer des rôles plus complexes. Mais le milieu du cinéma préfère la maintenir dans ce qui rapporte de l'argent plutôt que de l'écouter. Elle refuse aussi le silence. Marilyn Monroe dénonce certains hommes influents qui profitent de leur pouvoir. Dans un système où il est plus simple de discréditer une femme que d'entendre ce qu'elle dit, ses paroles sont retournées contre elle. On la décrit comme instable, excessive, difficile, et l'on parle plus de sa personnalité que de ses révélations choquantes. Elle s'engage aussi sur le plan politique. Marilyn Monroe soutient activement le mouvement des droits civiques et prend position contre le racisme. Elle utilise sa notoriété pour défendre des artistes noirs, victimes de discrimination. Ce sont des choix forts, assumés, dans une époque où peu de célébrités osent se positionner publiquement. Elle veut également reprendre le contrôle de sa carrière. Elle crée sa propre société de production pour échapper au rôle stéréotypé qu'on lui impose. Elle ne veut plus être seulement regardée, elle veut choisir, décider, exister autrement. Mais Hollywood supporte mal une femme qui sort du cadre. Plus elle cherche à se libérer de son image, plus le système la fragilise. On la réduit à ses souffrances et on oublie son intelligence et ses combats. Marilyn Monroe meurt le 5 août 1962, à seulement 36 ans. Le monde perd une icône, mais surtout une femme qui n'a jamais eu le droit d'être pleinement elle-même. Aujourd'hui encore, son nom est sur toutes les lèvres. Mais Marilyn Monroe, ce n'est pas qu'une belle blonde naïve. C'était une femme lucide, engagée, qui a tenté de se défaire d'un rôle qu'on lui avait imposé et qui en a payé le prix.